soyons tous unis. Trop longtemps que ça dure, trop longtemps que ça urge, déposons les armes, faisons plus vite. Trop longtemps que ça dure, trop longtemps que ça urge, déposons les armes, faisons plus vite. Il nous faut une justice qui empêcherait ces massacres. Il nous faut une justice pour empêcher ces massacres. Toujours autant de guerre, je ne vois pas d'avancée. Depuis des millénaires, rien n'a changé. Toujours autant de guerre, je ne vois pas d'avancée. Yeah. Tolérons, acceptons les autres civilisations. Tolérons, acceptons les autres civilisations. Toujours aucune loi, les peuples vivent dans la souffrance, victimes de l'inconscience. Encore le même combat, toujours aucune loi, les peuples vivent dans la souffrance, victimes de l'inconscience. Papalamana, wapapalapam papam, wapapalamana, wapapalapam papam. Soutenons les populations opprimées pour un peu plus d'équité. Soutenons les populations opprimées pour un peu plus d'équité. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo. Mi bio fifa po vivo, na meju to lepo.